بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا الدرس بشرح عمدة الأحكام Bienvenue les frères donc pour ce cours dans l'explication de Kitab al-Salat, le chapitre de la prière tiré du livre Umdat al-Ahkam. Donc après cette petite pause, cette rupture, on reprend les cours, Inch'Allah ta'ala, et on demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder la réussite et de nous permettre à tous de profiter grandement de ce grand bien, de s'asseoir ensemble, de faire le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala, et d'apprendre comment adorer notre Seigneur, comment nous rapprocher de lui. وَالْيَوْمْ نَبْدَأُ فِي بَابٍ جَدِيدٍ Aujourd'hui, on commence un nouveau sous-chapitre. بَابُ تَرْكِ الْجَهْرِ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Le sous-chapitre concernant le fait de délaisser la Besmela, Bismillahirrahmanirrahim, à voix haute. Le chapitre concernant le fait de délaisser la parole Bismillahirrahmanirrahim à voix haute. L'auteur il nous dit, Rahimahullah, An Anas ibn Malikin, An Nabiya sallallahu alayhi wa sallam a call, ou An Nabiya sallallahu alayhi wa sallam, wa Aba Bakrin wa Umar, كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين وفي رواية صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءتها ولا في آخرها. Le temps il nous dit donc selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que Aba Bakr et Omar lorsqu'ils commençaient la prière commençaient par Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et dans une autre narration, il a dit Anas, j'ai prié avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. J'ai prié avec Abi Bakr et Omar et Uthman. Et je n'ai entendu aucun d'entre eux dire Bismillahir Rahmanir Rahim. Et dans la narration de Muslim, c'est-à-dire la version qui est citée dans le recueil de Muslim, Sahih, Anas qui dit j'ai prié derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Abi Bakr, et Omar, et Uthman radiallahu anhum, et ils commençaient la prière par Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ils ne citaient pas Bismillahir Rahmanir Rahim au début de la récitation et non plus à la fin. Zakar al-Mu'allifu fi hadha al-bab haditha Anasin mubayyinan. L'auteur, il a cité le hadith de Anas dans ce sous-chapitre en montrant que ce qui est légiféré, c'est le fait de délaisser la besmela à voix haute lors de la prière. Et là, on parle de la prière qu'on fait à voix haute, puisque forcément, la prière qu'on fait à voix basse, tu ne vas pas réciter la besmela à voix haute, vu que toute la prière, tu l'as fait à voix basse. وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَا فِي الْجَهْرِ بِالْبَسْمَلَةِ وَإِسْرَارِهَا لَكِنْ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمْ أَنَّ الْمَرْءَ لَوْ قَرَأَ الْبَسْمَلَةِ جَهْرًا أَوْ سِرًّا فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ Et donc les savants, ils ont divergé concernant la récitation de la besmela durant la prière. Est-ce que nous devons la faire à voix haute ou à voix basse? Cependant, ce qu'il est convenable de savoir, c'est que l'individu, lorsqu'il récite la besmela, qu'il le fasse à voix haute ou à voix basse, sa prière, elle est correcte. Sa prière, elle est correcte. Qu'il ait récité à voix haute ou à voix basse. والحقيقة أن الكلام في هذه المسألة طويل، فيه نقاش طويل بين العلماء. Et en réalité, ce sujet est un sujet qui est relativement long. Il y a un gros débat entre les gens de science concernant ce sujet. Est-ce qu'on doit réciter la Besmela à voix haute lors de la récitation pour les prières à voix haute ? فَأَمَّا نَحْنُ فَسَنَرَى فَقَطْ الْبَعْضَ الْأَدِلَّةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْعُلَمَاء فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. Mais nous, aujourd'hui, on va juste voir certaines preuves que les savants ont cité dans ce sujet. On ne va pas tout voir parce que c'est très long. Très très très très long. فَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمِنْهُمُ الْحَسَنُ الْبَصْرِي وَكَذَلِكَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَبُو حَنِيفَةَ يَرَوْنَ أَنَّ الْجَهْرَ بِالْبَسْمَلَةِ لَا يُسَنُّ فِي الصَّلَاةِ مُسْتَدِلِّينَ بِحَدِيثِ أَنَسَ الَّذِي قَرَأْنَاهُ آنِفًا. Et donc, le premier avis est l'avis d'un grand groupe parmi les compagnons. Même, certains savants disent, la majorité des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi que les tabi'in, parmi eux, Al-Hassan al-Basri. Et c'est l'avis qu'a choisi l'imam Ahmed, ainsi que l'imam Abu Hanifa. Il voit que le fait de réciter la besmela à voix haute durant la prière n'est pas une sunnah. Ce n'est pas ça la sunna. Ce n'est pas ça qui doit être fait durant la prière. Réciter la besmela à voix haute. Donc nous devons délaisser cela. Quelle est leur preuve ? Le hadith de Anas qu'on vient de voir. Anas qui nous dit, il a prié derrière le prophète, derrière Abu Bakr, derrière Omar, derrière Othman. Aucun ne récitait la besmela. Aucun d'eux ne récitait donc la besmela au début de la prière. Wa awwal al-imam al-Shafi'i wa ghayruhu hadha al-hadith. L'imam al-Shafi'i, il a interprété ce hadith. Il a donné une interprétation, une autre compréhension au hadith de Anas. قائلاً بأنه لا يدل على عدم الجهر بالبسملة لأن المراد بقول أنس كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين أنهم كانوا يبدأون بالصلاة أي يبدأون الصلاة بالفاتحة. L'imam al-Shafi'i, il nous dit, lorsque Anas, il dit, le messager d'Allah, ainsi que Abu Bakr, Omar et Othman, ils commençaient la prière par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il dit Shafi'i, ce qui est voulu par là, c'est que le prophète et les compagnons, ils commençaient la prière par le Fatiha. Ça ne veut pas dire qu'ils ne récitaient pas le Basmala. Ça veut dire qu'ils commençaient par le Fatiha. Et quelle est la réponse à ça? Comment on répond donc à cette argumentation? Pour ceux qui ont suivi. Il va dire à voix basse. Hein? Il va dire à voix basse. On a dit dans le hadith. La réponse, elle est dans le hadith même. Comment on va parler de Shafi'i? Non. Shafi'i nous dit. On a le hadith de Anas. Anas qui nous dit, j'ai prié derrière le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Bakr, et Omar, et Othman, aucun d'entre eux ne récitait Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ils débutaient tous avec Alhamdulillah. Et donc ici, Anas, il a été clair. Il a été sarih. Al-Shafi'i nous dit, ce qui est voulu par là, c'est qu'ils n'ont pas commencé par... Ils ont commencé la prière par Al-Fatiha. Mais ici, Anas, il a été clair. Il a dit, « La yadhkuruna bismillahir rahmanir rahim. » Ils ne disent pas bismillahir rahmanir rahim. Et donc ici, Anas, il a été clair. Il a bien montré que ce qu'il veut ici, ce n'est pas Al-Fatiha. Ce qu'il veut ici, c'est bien la basmala qui n'a pas été récitée. Et donc, pour répondre à cela, la réponse, elle est dans le hadith même, dans la parole de Anas. Dans la parole de Anas. Wa fi riwaya, dans une autre narration, Khadija Sahih, Anas il a dit, La yajharoun, bismillahir rahmanir rahim. Il ne récitait pas la basmala à voix haute. Il ne la récitait pas à voix haute. Wa ja'a aidan fi as-sunan. عن ابن عبد الله بن مغفل أنه قال سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول بسم الله الرحمن الرحيم فقال لي أي بني محدث إياك والحدث قال ولم أرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام يعني منه. قال وقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها فلا تقلها إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب العالمين. Il a aussi été rapporté dans As-Sunan selon Ibn Abdillah ibn Mughaffal. Abdullah ibn Mughaffal, c'est un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son fils. Ibn Abdillah ibn Mughaffal, il dit: mon père m'a entendu un jour alors que je priais. Il m'a entendu dire Bismillahir Rahmanir Rahim. Alors il m'a dit: ô mon fils, ceci est innové. Muhdaf. Ceci est innové. Méfie-toi de l'innovation. Méfie-toi de l'innovation. Il a dit: je n'ai vu aucun des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam détester plus l'innovation en islam que lui-même, que le messager sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: certes, j'ai prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec Abu Bakr, avec Omar, avec Othman radiallahu anhum. Je n'ai entendu aucun d'entre eux dire cela. Alors ne le dis pas. Ne dis pas Bismillahir Rahmanir Rahim. Lorsque tu pries, alors dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin. هذا الحديث حسنه الترمذي وهو عظيم في النهي عن الحدث في الدين. Ce hadith, il a été jugé hasan par al-Tirmidhi. Et c'est un hadith qui est grandiose pour montrer l'interdiction de l'innovation dans la religion. Cet homme qui dit à son fils: Iyaka wal hadath. Méfie-toi de l'innovation. Je n'ai vu personne parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam détester l'innovation plus que lui-même. Une parole très lourde. Lakin al hadith da'if. Mais le hadith, il est da'if. Pourquoi? L'ijahala ibn Abdillah ibn Mughaffal. À cause du fait que Ibn Abdillah ibn Mughaffal, il est inconnu. Il est inconnu. Abdullah ibn Mughaffal, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son fils, on ne sait pas qui c'est. Alors les savants disent El Hadith Da'if. Alors que son père, c'est un compagnon. Son père, c'est un compagnon. Regardez comment ils sont les ulema. C'est pas comme nous, on voit, on va sur internet, Salafia, ah c'est bon, c'est un site bien. Sunna, c'est bon, c'est un site bien. On te dit, c'est qui le propriétaire? Ah, Allahu A'lam. Je sais pas. Inch'Allah, c'est quelqu'un de bien. Inch'Allah, c'est quelqu'un de bien. On prend notre religion de n'importe qui vient, qui dit, qala sallallahu alayhi wa sallam, on écoute. Le hadith ici, il est da'if. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qui est Ibn Abdillah ibn Mughaffal. Alors que son père, c'est un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. القول الثاني لو دوزيام افي دون سو سوجي هو القول بالجهر بالبسمله في الجهريه سي لافي كي دي كو il faut réciter la basmala بسم الله الرحمن الرحيم à voix haute durant les prières qui se font à voix haute ونسب هذا القول الى بعض الصحابه كذلك وهو قول الشافعي وابن حزم et donc cet avis a été aussi attribué à certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est aussi l'avis de l'imam Shafi'i et aussi de Ibn Hazm. Wa min adillatihim ma akhrajahu an-Nasa'i fi sunanih an Abi Hurairah radiyallahu anhu annahu jahara bil basmalah fi salatihi wa qala fi akhir al hadith inni la ashbahukum bi salati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Et quelle est la preuve de ceux qui disent qu'on doit réciter la basmala à voix haute? C'est le hadith de Abu Hurairah radiallahu anhu qui est dans Sunan al-Nasa'i. Dans ce hadith, Abu Hurairah, il a accompli la prière entièrement, il a prié. Et on nous décrit donc comment il priait, qu'est-ce qu'il faisait dans la prière. Et durant cette prière, il a récité le basmala. Il a récité le basmala. Et ensuite, à la fin du hadith, il dit: certes, c'est ma méthode, ma façon de faire qui ressemble le plus à la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les savants, ils ont dit donc ici, Abu Huraira, il nous montre que le prophète, il récitait la basmala, puisqu'il l'a fait. Et après, il dit que c'est sa façon qui ressemble le plus à celle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Wal hadithu sahihun. لكن ذكر البسملة فيه ضعيف لتفرد نعيم المجمر فإن طلاب أبي هريرة لم يذكروا هذه الزيادة والحديث في الصحيحين دون ذكر البسملة. Cependant, ce hadith il est authentique. Ce hadith il est authentique. Mais le rajout dans lequel il est stipulé que Abu Huraira a récité la basmala, a dit Bismillahirrahmanirrahim, ce rajout, il est faux. Le hadith est authentique, mais ce rajout, il est faux. Pourquoi ? Parce que le rapporteur Nu'aym el-Mujmir, il est le seul à avoir rapporté cela. Cette information, la majorité des étudiants de Abu Huraira, ceux qui nous rapportent cette information, Il ne cite pas la basmala. Il cite ce hadith, il ne cite pas la basmala. Et ce même hadith, il est dans Sahihain, le recueil de Bukhari et Muslim. Mais il n'y a pas cité le fait que Abu Huraira a récité la basmala. Et ça, cet exemple, je l'ai déjà vu avec vous plusieurs fois. C'est comme si moi, aujourd'hui, dans mon cours, je vous dis, aujourd'hui, les frères, je suis venu avec mon téléphone. Je suis venu avec mon téléphone. Tout le monde, à la fin du cours, vous dites, Abdel Karim, il nous a dit aujourd'hui qu'il est venu avec son téléphone. Et il y en a un qui va dire, Abdul Karim nous a dit qu'il est venu avec son téléphone et avec son masque. Et là, vous allez dire, mais comment ça se fait? On est tous là dans la mosquée, on a entendu que le fait qu'il a cité son téléphone. Et toi, tout seul, tu as entendu le masque. Et c'est là que les ulémas du hadith, ils vont dire non. On prend donc la parole de la majorité des étudiants de Abu Huraira. والنقاش في هذه المسألة كما ذكرته لكم نقاش طويل وهناك أحاديث كثيرة اختلف فيها العلماء. Et donc le débat sur ce sujet est un lourd débat. Il y a beaucoup de hadiths au sujet duquel les savants ont divergé dans la compréhension du hadith. لأن كثير من الأحاديث التي استدل بها القائلون بالجهر بالبسملة هي أحاديث عامة لا يفهم منها أنها تتعلق بالصلاة. Et donc, il y a une grande divergence entre les savants sur la compréhension des ahadiths qui sont liés à ce sujet. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'ahadiths sur lesquels se sont appuyés les savants qui voient que nous devons réciter la basmala à voix haute, beaucoup de ces ahadiths, beaucoup de ces récits prophétiques sont généraux. Ils sont généraux. Il n'est pas spécifié dans le hadith que cela concerne la prière. Le fait que le prophète il récite en disant Bismillahirrahmanirrahim, il n'est pas précisé que cela signifie la récitation dans la prière. Wa la'alla al-qawl ar-rajih inshallah ta'ala fi hadhihi al-mas'ala huwa al-qawl bi 'adam al-jahr bil basmala. Et l'avis le plus juste dans ce sujet inshallah ta'ala, c'est l'avis que il ne faut pas réciter la basmala à voix haute. Il ne faut pas réciter la basmala à voix haute. وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة مبينا أن أحاديث الجهر بالبسملة ضعيفة وأن كثيرا منها شديدة الضعف. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله il a abordé ce sujet et il dit que les hadiths, les récits prophétiques qui montrent que nous devons réciter la basmala à voix haute sont faibles. Et que beaucoup de ces ahadiths, beaucoup de ces récits sont très faibles. وَالسَّبَبُ فِي كَثْرَتِهَا أَنَّ مِنْ أَقْوَلِ الرَّافِضَةِ الْجَهْرُ بِالْبَسْمَلَةِ وَهَؤُلَاءِ أَكْذَبُ الطَّوَائِفِ فَأَدْخَلُ أَحَادِيثَ ضَعِيفَةً مَوْضُوعَةً فِي الْجَهْرِ بِالْبَسْمَلَةِ. Et la cause qui fait que, en fait, il y a beaucoup d'ahadiths qui sont faibles dans ce sujet. Ce sujet, le fait de réciter la basmala à voix haute durant la prière. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup d'ahadiths qui sont faibles? C'est parce que cet avis, c'est l'avis de Ar-Rafida, Ar-Rawafid. Et Ar-Rawafid est le groupe le plus menteur parmi les groupes qui s'affilient à l'islam. Ils ont donc rajouter des hadiths, inventer des hadiths sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour montrer que nous devons réciter la besmela à voix haute. وايضا ذكر كثير من العلماء ان الاحاديث التي فيها الجهر بالبسمله ليست صريحه. Et aussi beaucoup de savants, ils ont cité que les hadiths qui stipulent le fait qu'on doit réciter la besmela à voix haute, ils ne sont pas clairs. Même s'ils sont authentiques pour certains, ils ne sont pas clairs. Ils ne montrent pas clairement qu'on doit réciter la besmela durant la prière. Et donc le plus authentique, comme on a vu avec le hadith de Anas qui est clair, il nous dit qu'il ne récitait pas la besmela. Ça c'est clair. Voilà pourquoi l'avis le plus juste dans ce sujet est ce que je vous ai cité. Le dernier avis, un avis que je ne vous ai pas cité pour l'instant, que je ne vous ai pas cité, mais on va le voir quand même, Inch'Allah Ta'ala, wa huwa qawlu al-Malikiyya. Le dernier avis donc qu'on voit ce soir, l'avis de al-Malikiyya. C'est quoi l'avis de al-Malikiyya sur le sujet? L'avis de al-Malikiyya sur le sujet. On n'a que des Malikites normalement. Que des Malikites. Vous pouvez me dire, Abdul Karim, repose ma question demain matin, ou pas à cette heure-ci. L'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il voit que al-basmala la tuqra'u jahran wa la sirran. La basmala, on ne la récite pas, que ce soit à voix haute ou à voix basse. À voix haute ou à voix basse. Il voit que la basmala ne fait pas partie du Coran. La basmala ne fait pas partie du Coran. Et donc, cet avis, donc comme je l'ai cité précédemment, l'avis le plus juste, c'est qu'on délaisse le fait de la réciter à voix haute. Mais tu la récites à voix basse, la besmela. Voilà pourquoi, pour certains, lorsque tu vas prier parfois au bled, tu vas entendre l'imam qui dit « Allahu Akbar » et tout de suite après « Alhamdulillahi Rabbil Alamin ». Tu n'as pas le temps de faire « Al-Iddu' al-Istiftah », l'invocation d'ouverture, etc. Pourquoi? Parce qu'on a déjà vu précédemment que l'imam Malik, il voit qu'il n'y a pas d'invocation d'ouverture, premièrement. Il n'y a pas d'invocation d'ouverture et il n'y a pas de besmela. Du coup, donc toi, quand tu commences le takbir, ensuite tu commences l'invocation d'ouverture, l'imam, il a déjà commencé Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wallahu alam, on arrête pour aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on continue demain. Subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khayran. Wa rahmatullahi wa barakatuh.